Chapitre 8. La vengeance du mort. Ce même matin, le chevalier d'Arsac et le comte de Beaulieu s'étaient levés d'excellente humeur. Ils venaient de faire honneur au déjeuner lorsqu'un domestique annonça le curé Marbier, un vénérable et bon prêtre, âgé de 70 ans, qui avait été jadis l'aumônier du château. Le comte Louis le reçut avec respect. « Je viens remplir, dit le prêtre, une mission sacrée dont feu le comte de Beaulieu, votre père, m'a chargé sur son lit de mort. Vous savez que je possède une clé de la chapelle et du château. Jusqu'à ce jour, j'ai fait entretenir ce saint lieu en conformité de la volonté du feu comte. Vous n'ignorez pas non plus que la chapelle possède une statue de Saint-Michel terrassant le dragon, avec ces mots écrits sur le socle « Lorsque de Saint-Michel la lance tombera, justice se fera. » « Je le sais en effet, mon père, dit le comte. » Le comte Georges de Beaulieu, après avoir reçu de nos mains le Saint-Sacrement de l'extrême-onction, continua le prêtre, me confia une lettre cachetée en me priant de ne la remettre à son fils que le jour où la lance brandie par Saint-Michel se serait abaissée sur le dragon. « Voilà qui est étrange, dit Louis de Beaulieu. »« C'est d'autant plus étrange, reprit le curé Marlier, que ce matin, en me rendant comme de coutume à la chapelle, je constatai que la lance s'était abaissée comme l'avait prévu monsieur votre père. Respectant les dernières volontés du défunt, je suis rentré chez moi, j'ai pris la lettre qui m'avait été confiée et je vous la porte. » Et le prêtre tendit au comte Louis une enveloppe scellée aux armes des Beaulieu. Le jeune homme l'ouvrit, en tira une longue lettre et, avec la permission de ses hôtes, lut à haute voix l'étrange récit suivant. « Mon cher fils, je ne sais quand cette lettre te parviendra. Seras-tu encore un enfant? Seras-tu un homme ? Cette lettre, je la confie à l'homme le plus loyal que j'ai connu, au curé Marlier. De graves dangers me menacent et j'ai tout lieu de craindre que ceux qui me touchent de près ou de loin ne soient frappés par les ennemis acharnés et tenaces qui m'entourent. Mais un de mes fidèles serviteurs veillera sur toi et te sauvera. Je ne puis dénoncer à la justice mes ennemis sans entacher à jamais l'honneur de notre nom. Noblesse oblige. Je dois me taire et supporter plutôt la mort que le déshonneur. Jusqu'à mon dernier souffle, j'essaierai de sauver ma vie, de préserver la tienne et de te conserver intacte la fortune qui te reviendra après ma mort. Il faut bien que je te l'avoue, ma fortune était convoitée depuis longtemps par mes ennemis. Elle était la cause de leur haine. Or, ce patrimoine, je devais le défendre, même après ma mort, afin qu'il fût remis entre tes mains à ta majorité. Mais il était à craindre que les criminels ne te fissent disparaître pour rester sans héritier. Il fallait donc que mes richesses restassent cachées jusqu'au moment où le danger qui te menace serait écarté. Pour atteindre mon but, je résolus de frapper les coupables dans l'ombre comme ils cherchaient à nous frapper et sans faire intervenir la justice humaine. Je conçus un projet fort simple. Que fait-on pour prendre la souris qui s'insinue dans l'ombre? On place une souricière dans laquelle on place un appât. Ici, c'était ma fortune. Il suffisait d'imaginer un piège adroitement dissimulé. Je l'imaginais. Pendant la guerre de Vendée, les richesses de la famille des Beaulieu furent cachées dans les souterrains de notre château. Mes ennemis ne l'ignoraient pas. Mais cette fortune, je la fis transporter secrètement en lieu sûr et je confiai mon testament au notaire Laurent, à Rennes, qui reçut l'ordre de ne l'ouvrir qu'au moment où tu te présenterais devant lui. Puis, dans le même souterrain où les trésors avaient été cachés, je fis tendre, par des ouvriers étrangers, le piège où mes ennemis se feraient prendre tôt ou tard. Un bloc de granit devait s'abattre sur eux au moment où ils voudraient s'emparer du fruit de leur crime. Mais il fallait les attirer d'une façon adroite. Sur une enveloppe revêtue de la mention « Mes dernières volontés », j'expliquai que ma fortune était cachée à l'endroit qu'indiquait un papier revêtu de signes conventionnels. Ces signes, je savais mes ennemis à même de les déchiffrer. Comme toutes les personnes alliées à notre famille, ils en possédaient la clé. Certes, j'eusse pu, dans mon écrit, indiquer l'endroit exact où devaient se trouver les trésors, mais je savais mes ennemis aussi méfiants qu'habiles. Le piège eût été trop visible, il fallait le dissimuler. Le papier mystérieux réalisait cette condition. Le piège tendu, il s'agissait de trouver un moyen de prévenir mon notaire que le moment était venu d'ouvrir le testament que je lui avais confié. Par un mécanisme caché, le bloc de pierre qui frapperait l'assassin devait déclencher un ressort. Ce ressort communiquait à une statue de Saint-Michel que j'avais placée dans la chapelle de mon château, chapelle qui se trouvait juste au-dessus des souterrains où était cachée la souricière. Grâce à ce ressort, dès que le mur de pierre frapperait le coupable, le bras de Saint-Michel s'abaisserait. Sur le socle de la statue était tracée cette inscription « Lorsque de Saint-Michel la lance tombera, justice se fera ». Dès lors, je priai le bon curé Marlier, en qui j'avais une confiance sans borne, d'attendre que la lance de l'archange s'abaissât pour te remettre cette lettre et pour avertir mon notaire que tu pouvais disposer de la fortune de ton père. En agissant ainsi, j'espère arrêter le poignard qui te menace. En effet, si mes ennemis cachés sont bien les hommes que je crois, tu seras pour eux un otage précieux, le gage d'une fortune future. Tant que l'héritage auquel tu as droit ne sera pas en ta possession, ils attendront. Ce n'est seulement que si ma fortune venait à t'échoir avant la mort des assassins, que ta vie serait en danger. Mais grâce à mon stratagème, ce fait ne peut se produire. Si je dois mourir, je disparaîtrai confiant dans l'avenir, car j'ai la conviction de te protéger, même après ma mort, sans craindre les trahisons ou les faiblesses humaines, puisque j'agis d'une façon toute mécanique, si j'ose m'exprimer ainsi. Oui, ce mécanisme est le serviteur de ma volonté posthume, c'est le prolongement de moi-même, c'est le châtiment. Je te devais ces explications, mon cher fils. Elles seront nécessaires un jour pour t'expliquer ma disparition et mon silence. Le danger inconnu qui me menace dans l'ombre persiste. Le curé Marlier te donnera l'adresse du notaire Laurent en te remettant cette lettre. S'il venait à disparaître, une autre personne qui possède une copie de cette lettre agira à sa place. Si un jour tu apprends le crime dont certains des nôtres se rendirent coupables, je te conjure de ne le révéler à personne pour l'honneur même de notre nom. C'est ma volonté suprême. Ton père qui t'aime, Georges, comte de Beaulieu. Louis de Beaulieu se tut. Un silence solennel plana dans la chambre. Enfin, le jeune homme le rompit pour dire au chevalier d'Arsac et au curé Marlier « Vous connaissez tous deux, vous qui êtes mes meilleurs amis, une partie du secret dont parle mon regretté père, mort empoisonné. Vous savez que mes oncles, les barons de Gramat et le majordome Bastien Génis, furent soupçonnés d'être les auteurs de ce meurtre. Les barons de Gramat sont morts, respectons leur mémoire. Bastien Génis avait disparu. Tout fait présumer que c'est lui qui a été frappé dans l'ombre du souterrain. Mes chers amis, je vous conjure de garder le plus profond secret sur cette triste affaire. Je vous le demande au nom de mon père mort, au nom d'un fils qui veut respecter la mémoire de celui qui préféra mourir que de laisser ternir son nom. » Le chevalier d'Arsac et le curé Marlier assurèrent Louis de Beaulieu qu'ils pouvaient compter sur leur discrétion la plus absolue. Deux jours après, le jeune comte se rendit à l'étude du notaire Laurent, qui ouvrit devant lui le testament et le mit en possession de son héritage. À partir de cette époque, il ne fut plus question au château de Beaulieu des apparitions que suscitait l'habile Bastien Génis, qui avait mis à profit les traditions locales relatives à la femme sans tête et au moine noir, dans le but évident d'éloigner ainsi les hôtes du manoir et d'avoir ainsi le champ libre pour se livrer à ses recherches clandestines. Le mort était vengé.